3. Le livre de l'habillement. Chapitre 117. La recommandation de porter des vêtements blancs et l'autorisation de porter des habits rouges, verts, jaunes ou noirs, en coton, en lin, en poils de bête, en laine et autres, sauf la soie. Allah Ta'ala dit: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu at-taqwa dhalika khayr. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Sourate 7, verset 26. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur ainsi que des vêtements, cuirasse, armure, qui vous protègent de votre propre violence. Sourate 16, verset 81. 779. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Portez des vêtements blancs, car ce sont les meilleurs de vos vêtements, et utilisez-les pour ensevelir vos morts. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 780. D'après Samura, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Portez des vêtements blancs, car ils sont meilleurs et plus purs, et utilisez-les pour ensevelir vos morts. An-Nasa'i et Al-Hakim qui a dit, Hadith Sahih. 781. Al-Bara, radiyallahu anhu, a dit: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était de taille moyenne. Je l'ai vu un jour portant un vêtement rouge. Je n'ai jamais vu d'homme aussi beau que lui. Al-Bukhari et Muslim. 782. Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah, radiyallahu anhu, a dit: J'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, à Al-Abta, endroit entre la Mecque et Mina, sous une tente faite de peaux tannées et teintes en rouge. Bilal lui apporta l'eau de ses ablutions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit alors vêtu d'un habit rouge. Je vois encore la blancheur du bas de ses jambes. Il fit ses ablutions, puis les gens récupérèrent l'eau utilisée dont ils s'aspergèrent pour obtenir ses bénédictions. Bilal, radiyallahu anhu, fit ensuite l'appel à la prière, l'adhan. Je suivais les mouvements de sa tête, pivotant vers la droite et la gauche, alors qu'il disait « Venez à la prière, venez au succès ». Un bâton en guise de sutra, tout objet placé devant la personne en prière afin que personne ne passe devant elle. Un bâton en guise de sutra fut alors planté devant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui s'avança pour diriger la salat. Les chiens et les ânes passaient devant lui et derrière le bâton sans que personne les en empêche. Al-Bukhari et Muslim. 783. Abu Rimtha ibn Rifa'a al-Taymi, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, porter deux vêtements verts. Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon une chaîne isnad authentique. 784. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, entra à la Mecque le jour de sa conquête, coiffé d'un turban noir. Muslim. 785. Abu Sa'id, Amr ibn Hurayth, radiyallahu anhu, a dit: C'est comme si je voyais devant moi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, coiffé d'un turban noir dont les deux extrémités tombaient sur ses épaules. Muslim. Selon une version rapportée par Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'adressa à la foule un turban noir sur la tête. 786. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le corps du prophète, alayhi salatu wassalam, fut enveloppé à sa mort dans trois linceuls blancs de Suhoul, ville du Yémen, en coton. Il ne portait ni tunique, qamis, ni turban. Al-Bukhari et Muslim. 787. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sortit un matin vêtu d'un vêtement en poils noirs portant des images de sel de chameau. Muslim. 788. Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, a dit: J'ai accompagné le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans l'une de ses expéditions. Une nuit, il me dit: As-tu de l'eau avec toi? Oui, répondis-je. Il descendit de sa monture et s'éloigna jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la nuit. À son retour, je lui versai l'eau de ses ablutions. Il lava ainsi son visage. Il portait une longue tunique, djoubba, en laine, et ne put sortir ses avant-bras de ses manches. Il les fit alors sortir par-dessous la djoubba, puis les lava avant de passer ses mains mouillées sur la tête. J'étendus les mains pour lui enlever ses roufs, chaussettes en cuir, mais il m'arrêta. « Laisse-les, car je les ai enfilées après avoir fait les ablutions. » Et il passa sa main mouillée sur elles. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il, alayhi salatu wassalam, portait une longue tunique du Sham, région comprenant la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine actuelle. Une longue tunique du Sham aux manches étroites. Dans une autre version encore, cet événement eut lieu pendant l'expédition de Tabouk.